Rendu à un certain moment dans l'histoire de l'homme, t'es obligé de mettre la hache séparée. Les faux des vrais, séparer la cinquième de la sixième. T'as pas de choix! T'as pas de choix! C'est bon! Puis ensuite, on dit que t'es maudit, pis t'es ci, pis t'es ça. Mais c'est normal! C'est normal! C'est normal! Nietzsche est venu fou parce qu'il sentait trop! Mais il comprenait pas assez ce qu'il sentait. C'est toi qui as craqué? Mais ceux qui sentent un peu, ils craquent pas, ils meurent jusqu'à 90 ans. Sterner, on n'a jamais entendu parler de Sterner. Qui c'est qui a compris Sterner? Lui, il est à l'école, il fait partie des écoles du système scolaire. Il n'a jamais entendu parler de Sterner. Je parle pas de Steiner, je parle de Sterner. Je te donnerai son nom, Carl Sterner. T'as pas sur un livre de lui un jour. Les gars qui ont dit, les gars qui avaient quelque chose à dire quand c'était le temps, on les connaît pas. On a liquidé les livres de ces gars-là. Tout le temps. C'est tout le temps. Parce que quand tu vas dans une librairie du Congrès aux États-Unis pis tu vas chez les livres parce que tous les livres sont là, pis t'as le flair, t'en trouves des livres que tu trouves pas à la librairie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Tous les gens n'ont pas cet avantage d'avoir du flair. Ça fait partie de l'évolution, ça aussi, avoir du flair. Puis quand t'es inconscient pis t'as du flair, tu souffres. Parce que t'es anormal. Mais tu ne sais pas que t'es anormal. Tu peux pas l'apprécier que t'es anormal. Parce que tout le monde est normal. T'es pas encore dans ton intelligence. Fait que tu souffres. Mais un jour, quand tu commences à comprendre que t'es anormal pis c'est normal d'être anormal, pis là, tu commences à réaliser que le flair que t'avais, c'était pas mal. C'était au bout. Fait que là, tu dis au gars, ce livre-là, c'est important, pis ce livre-là, c'est important, pis ce livre-là, c'est important, pis là, tout le monde commence à se lancer là-dedans, là. T'sais. C'est en science qu'ils disaient Tesla. Personne, on disait pas Tesla. On mettait ça en dessous des tapis, Tesla. Oh. On respecte la mémoire d'Edison. Pis de Bell. Mais qui c'est qui a donné les idées à Graham Bell pis à Edison? C'était cela. Vaut plus la même que c'était cela. Fait que là, il y a des gens qui sont capables de corriger le record, là. Les Russes sont en train de fonder une science psychotronique fondée sur Tesla en Russie. Les Américains viennent de se réveiller. Là, ça fait 5-6 ans là, à cause des efforts d'un certain nombre de personnes. Là, Tesla, ça commence à être important. Là. Quand tu commences à faire des avions pis tu dis « Ah bon, va-t'en par là, parce que ça va par là », ça commence à être important, Tesla! Là. Hein? Et donc, chier. Vous êtes pas assez mauvais, vous autres, en gros. Vous êtes pas assez encore dans votre furie. Vous êtes pas encore dans votre feu parce que vous n'avez pas de feu! Puis vous pouvez pas être dans votre feu tant que vous serez pas dans votre feu, puis vous pouvez pas emprunter mon feu, parce que ça va sortir comme une petite lampe de croche. Mais quand vous serez dans votre feu, vous serez dans votre feu. Mais quand vous serez dans votre feu, vous serez plus intéressé à allumer les chandelles des autres. Vous le dites aujourd'hui à 1180. Moi, j'aimerais ça faire de la politique. Je dis j'aimerais ça parce que je sais que je serais capable d'en faire. C'est le fun de parler.